D'absence, je reviens faire acte de présence. Manu qui est la renaissance, explose dans tous les sens. Je pose avec aisance, vous fais part de mes connaissances. Celle de mon équipe et de sa puissance. Mafia d'Afrique, pas Frédéric, peuvent changer le la monde. La France, une nuisance. Mon retour est comme une boule d'éclat lorsque tu pionces. Et ce putain de 11 annonce mon triomphe. Pour l'Afrique, des dom-toms à la métropole. Pour la nouvelle et l'ancienne école. Au microphone, freestyle en stock. Mais pourquoi les taux se resserrent chaque jour sur moi et mes potes? Je vise le haut, le sommet. Parce qu'en bas, c'est le sommeil. Viens ici pour étonner, déconner, gonfler tes oreilles. Pour le zay. Faire kiffer les vrais, les faux, même les bouffons. Sur mon fauteuil, bien calé pour ma personne, une couronne. Épaulée par des bourreaux, comme pour scier les barreaux. Sortir de l'épée du fourreau, moi je suis là en héros. On triomphe, oui, in your style. Je décoiffe ta coupe comme un brochet. Style coupe qui découpe comme un Shaolin. Reste au froid, te blesse dans ton ego. L'autre côté il se passe que rough play à ta go. Ego trip, de la part d'un mec qui a des tripes. Faut que tu t'agrippes, couvre-toi sinon tu vas choper la grippe. Tous, quand je t'en froidis au microphone automatique. Au nom de ma clique, mafia d'Afrique. MK, différents types. Différents types. Pas, c'est la mafia qui a free. Laisse pas, c'est la mafia qui a free. Depuis 88 c'est authentique, éthique. Un microphone, une platine technique. Faites place au triomphe, depuis le temps qu'on trime. Écrire des lyrics c'est ma routine. Donc je confirme pour ma firme, je fonce, me défonce pour mon triomphe. L'unique, le seul, affirmatif. Accompagné par off explosif. Je veux lever les bras au ciel, que personne ne s'en mêle. Rappelle bien au tien que le triomphe m'appartient. Si près du but comme si près du rêve. Alors pourquoi marquer une trêve? Ils ont jamais voulu croire que nous sommes grands et puissants comme la gloire. Alors je balance la preuve que mes idées sont neuves. J'exporte la vérité face à votre petite armée, armée du MIC, pour que vous puissiez apprécier la qualité du phrasé signé par MK. On triomphe. Eh ouais, Cafri Mafia. Building your style, je te coiffe ta coupe comme un brochet. Comme un brochet. Style une coupe qui découpe comme un Shaolin. Pendant que je t'agresse, te froisse, te blesse dans ton ego. L'autre côté il se passe que rough play à ta go. Ego trip, la part d'un mec qui a des tripes. Faut que tu t'agrippes, couvre-toi sinon tu vas choper la grippe. Tous, quand je t'envoie ton microphone automatique. Au nom de ma clique, mafia d'Afrique, MK, différents types. T'as compris gros, MK, différents types. Y'a quoi, qu'est-ce qu'il y a? Y'a quoi, on est là, Cafri Mafia. Pour Mr. Flow, Lil J, Kevin James.